Putain, il pleut, je suis vénère, Kamnouz. Viens, on fly là-bas, il y a un abri. Où ça? Où il y a les papis là-bas, là? Ouais. Ils vont parler dans nos têtes encore, te rappelles pas la dernière fois? Ah ouais, c'est vrai, mais... Faut des bas, là. Ouais, mais viens, on y va quand même, là. C'est bon, il pleut. Franchement, t'as raison, il pleut. Décalage dans le temps, tout se prend le troisième vague. Décalage dans la vie, tout se prend les adolescents. Ces choses me blessent, me vexent, me désespèrent dans certaines familles. Un conflit qui se démarque si fort qu'il engrange la zermie. Des enfants qui se perdent seuls dans la jungle urbaine. Mais ce futur clodo auquel la vie ne donnerait que haine. Tout part d'une minuscule embrouille qui tourne au vinaigre. L'écart qui règne entre chaque génération rend certains vieux aigres. Une incompréhension qui donne une attitude qualifiée de vieux jeu. Même le dialogue, la langue parlée devient inconnue. Un jeune qui se donne une apparence comme qui dirait cool. Sans prendre conscience du vieil homme qui capte sa vie derrière lui. C'est là que la roue tourne, faut sortir une putain d'analyse. La capacité de bien comprendre un discours, faut de la maîtrise. Et le vieux qui pense qu'il est trop gâté par la vie actuelle. Il ne pense pas que pour nous, il n'y a pas que la volonté qui veille. Les temps sont durs, je dirais même hardcore. Les faits pas forts dans le décor. À la mort de la moquette, au moindre écart de notre corps. Décalage dans le temps, tout se prend le troisième vague. Décalage dans la vie, tout se prend les adolescents. Je suis comme un arbre de 100 ans planté dans le béton. Sous la canicule, la sève s'évapore. Le bois sec, béton. Ma peau s'effrite, mérite, trace le chemin, je t'offre ma route, viens. Les boucles de mon époque, l'histoire, la foi te couvre. Donne ta main, la vie pissée. La merde, la pissée, j'ai élevé, éduqué. Trois générations diplômées, les autres ont crevé. Déjà les hydrages, écoute le passe, moi des dommages et intérêts. Je réfléchis avant de parler, l'élevage de troupes, ma passion. Les vieux western, une fiction. Comme un compagnon, ni son fils, j'ai la voix de la raison. Jeune homme, à mon époque, on respectait les personnes âgées. On rentre pas chez les gens comme ça. C'est chez toi ici. Eh ben, vous croyez que c'est où? Je te stoppe là, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi. Je te donne ma vision des choses, pas de coups bas. Débattre mon bouba, tu me donnes à boire que j'ai pas soif ou pas. Je refuse à ton pas, bout de la grand serre, je m'empêche pas de foutre de dawa. Je suis pas que t'es ta plaque, mais si tu me sors, je me défie sur quoi. À jouer avec les rats morts, les seringues graines que toi tu dors. Je jette du peur en pigeon, mais regarde pas, c'est quoi dehors. La vie en masse, mon nose, Smith, Jane Wesson, mes regards hardcore. C'est deux époques différentes, et je crois que je me sors. Décalage dans le temps, que se prend le troisième âge. Décalage dans la vie, que se prennent les adolescents. Fortification se voit quand les grands combattants croisent. Le haïssement de l'un pour autre, une roule cosmos de chacun. La reine ouverte, les portes où les protagonistes s'y engouffrent. Qui donc tiendra le coup face aux arguments qu'agrandissent le gouffre? À chaque attaque, la parole peut devenir une arme fatale. Les mots s'enchaînent plus durs les uns que les autres comme des balles mentales. La balade meurtrière commence donc dans l'arène de Chaka. Le désastre vient en douceur comme un avion d'Hiroshima. L'ado est jeune et fier et veut surtout pas se prendre la tête. Pour lui, le système corrompu n'est du qu'au vieillard à fête. Aux abus de biens sociaux comme des voyages de rêve. Pour vieux, vivre au jour pour lui ne connaît du sort des bruits de l'enfer. Des sensations fortes qui donnent du sang neuf pour ses actions. Ses pensées en désaccord avec les vieilles mentalités du genre dépassé. Pas le temps, réfléchir sérieux, c'est ce que la vieille école. L'expérience acquise en guise de mise à jour déborde les manières. Les façons de s'enfermer dans sa tanière. Le vieillard se retrouve seul à seul dans la misère. Ado versus troisième âge, un combat qui s'avère amer. À chacun de son époque de foutre de l'eau dans son critère. Décalage dans le temps, tout se prend le troisième âge. Bornega, ouais. On s'est endormi. Quoi? On a dormi avec les clochards. Non. J'ai dit viens vite, on trace, on va prendre le bus.